réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd sur les ondes de la marge de 89.3 FM, CISM. Si c'est la première fois que tu écoutes CISM, félicitations, tu es tombé sur la meilleure radio de Montréal. Si c'est la première fois que tu écoutes Critique de Crowd, ben tu vas voir, ça va être bien plaisant. Et c'est bien des affaires. Critique de Crowd, je m'amuse, je ris en ondes. Mais surtout, je vais en spectacle et je t'observe full. Et tu es toujours différente et admirable et tu me fais poser bien des questions, j'essaie de bien comprendre des choses. Puisque cette semaine, on est tout en variété. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'étais quasiment désespérée à me dire que j'avais pas fini tout à fait mon compte-rendu de Pop Montréal, qui est déjà terminé. Je pourrais tourner la page. Mais non, j'avais envie de plus te jaser longuement du Club Lambie puis du Cajibi. Je trouvais que fallait finir le tout. Et aussi, cet automne, comme tous les automnes à Montréal, on n'arrête pas de se dire que l'été, il y a plein de festivals, mais non, pas toutes. L'automne, ça se poursuit. Je capote un peu. Il y a eu le festival Ska de Montréal. Il y a en ce moment et pour tout le mois le Red Bull Music Academy. Et par-dessus tout ça, je suis allée au Théâtre La Chapelle voir Poor de Dinah Ashby. J'espère être capable de vous parler de tout ça en une seule émission. Je crois que ce ne sera pas possible. Fait qu'il va rester des restants. Fait que, chers habitués de l'émission, attends-toi à avoir un spécial tout ce qui dans une couple de semaines parce que, ouais, j'ai vu comme 3 shows en une ou 2 soirées. C'est comme pas possible. Je sais pas comment j'ai fait. Fait que, je fais un compte-rendu aussi de ma vie personnelle parce que j'ai cueilli des pommes puis ça a influencé ma critique de Crowd. Fait que, on va continuer tout de suite en musique. C'est des choix. C'était des sorties surtout musicales que j'étais vraiment heureuse et emballée. Que j'attendais, Double Date with Death. Leur EP, je l'ai écouté encore cet été, là, mais abondamment. Et Headspace, je suis bien heureuse. Il y a une chanson en français qui s'appelle Musicien, on va l'écouter. Et ensuite, on va entendre, non que 2 chansons sorties pour l'instant, mais bien hâte de voir la suite pour Vulvette et la chanson Tu ne sais pas. Yeah. sais pas quoi faire quand je te dis, quand je te dis, quand je te dis que je t'aimerais. D'entendre Tulvette, c'est sa chanson. Tu ne sais pas, vous pouvez aussi retrouver la chanson La mort sur les internets. Et sinon, vous avez aussi entendu Magicien, Double Dead with Death, un album qui vient de sortir tout récemment, Headspace. Vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene. Et ben oui, il s'est passé beaucoup trop de choses en si peu de temps. C'est ça la vie de festival, quand tu décides de t'y mettre bien intensément en tant que festivalier, festivalière. C'était pas mal mon cas durant Pop Montréal. Je pense que je veux faire un marathon comme à la fois physiquement, j'ai envie de courir littéralement d'une salle à une autre, mais aussi pour les découvertes. Et je crois que c'est le genre de festival aussi qui amène le principe de découverte. T'achètes une passe à un certain prix et tu as de façon illimitée tous les spectacles. Wouh! Par contre, hey, ça, c'est une suggestion. Si tu es organisateur d'événements, de spectacles, je te donne l'idée. Je te la donne. Elle est gratis. Mais il semble qu'avec tous les services alternatifs de taxi, oui, avec les situations des taxis ces temps-ci, mais il semble qu'il devrait avoir un service de covoiturage ou de voiture libre ou peu importe qui pourrait être inclus, bon, oui, à un certain prix supplémentaire à ta passe, mais qui serait fort pratique. Moi, je conduis pas, mais j'aimerais bien savoir une coupe de lift, tu sais, pour aller comme Saint-Laurent, là. Hey, Saint-Laurent, c'est pas petit, là. Mais il semble que tu peux marcher vraiment un bout. Là, tu sais, tu regardes là, puis t'es comme, ah non, je vais manquer tel spectacle. Là, tu pars avant la fin, tu te dépêches, manque, t'écoutes juste 2-3 tunes. Tout ça au nom de la découverte. Mais il semble que s'il y avait un service inclus pour pouvoir faire du covoiturage ou tout simplement avoir accès à des transports, mais de façon peut-être plus ludique avec le festival, mais il semble que ce serait un gros plus à Montréal parce que, ouais, les rues sont pas petite. Et c'est un peu comme ça aussi que j'ai fait ma soirée, ma toute dernière durant Pop Montréal, parce que j'ai fait le Club Lambi, la Casa del Popolo, puis le Cajibi. Hey, c'est pas si proche chacun, surtout le Club Lambi. Et qui, j'étais jamais allée. Paraît-il qu'ils ont une réputation d'influence caribéenne, que c'est devenu un lieu prisé par Pop Montréal. Je l'ai pas trop senti là, pas plus que c'était pas une soirée avec des DJ électro house que certains ont pris résidence au Club Lambi. J'ai plutôt un sentiment un peu triste pour ce Club Lambi que je ne connaissais point, mais qui me semble un peu, il a l'air plein d'amour. Une belle salle, mais qui manque d'amour, c'est ce que j'ai un peu senti tout le long. C'est peut-être en montant les escaliers. Et c'est drôle, il y avait un poster de La dérive douce d'un enfant de petite goyave. Puis je me disais, voyons, le film a l'air de dater parce que le poster était drôlement défraîchi. Et la Ferrière, je l'aime bien, mais je me semble que j'avais pas entendu récemment parler de celui-là. Et non, il date de 2010. Alors, je présume que le poster est là depuis 2010. Il n'y en avait pas un, il y en avait même deux. Alors, je me suis dit, Club Lambi est vraiment fan. Et c'est un drôle de mélange, justement. Un mélange littéraire, puis après ça, comme musique, il y avait du Disturbed puis du Sum 41. C'est étrange comment ça m'a... C'est peut-être dans le cadre de Pop Montréal, parce que musicalement, ben, Sum 41, je sais pas, ça me rappelle des souvenirs d'adolescence, là, fait que j'aurais trouvé ça drôle. Puis là, j'ai fait comme, c'est bien étrange. Ça fitait pas tant avec l'ambiance. Je trouvais ça un peu, particulier. C'est tellement grand, en plus, je trouve, comme endroit, le Club Lambi, parce que derrière la console, il y a beaucoup d'espace avec des divans, c'est facile de s'écraser. Et là-dessus, je vais quand même accorder ça à la foule qui était peu nombreuse, quoi, une vingtaine, mais dans une salle qui peut comporter une centaine de personnes. Ça paraît, oui, vide. Mauvais choix de salle qui correspond pas encore au potentiel crowdien de l'artiste. Ah, ça, c'est toujours un peu compliqué, mais au moins, il était proche. Il y avait juste moi qui était tapis dans l'ombre, mais qui s'est rapproché par la suite, vu qu'il y avait de bonnes grosses tables sur les côtés. Il était pas petit, non. Et pendant tout ce temps-là que j'observe le Club Lambi et son ventilateur qui shake vraiment beaucoup trop, que autant qu'il swing, tu sais, du bon bord pour faire du vent, mais qu'il swing aussi à vertical, mais ça, je suis comme, ne lâche pas prise, ventilateur, ne meurs pas! Je suis quand même un peu surprise des choix esthétiques du lieu, tels que, tu sais, les publicités qu'il y a dans les cabines des toilettes, là. Tu sais, comme, il y a comme un contour métallique, une publicité à l'intérieur, là, comme, dit de même, ça a l'air un peu quelconque, là, mais OK, j'essaie de quoi. Vous avez déjà vu ça, crowd, chers auditeurs de CISM? On a tous vu ça dans les toilettes, mais j'avais jamais vu ça comme à côté de l'entrée. Je me suis dit, voyons, déjà, c'est un peu bizarre de voir de la publicité, ouais, de façon purement publicitaire dans un lieu comme ça. C'est vraiment un peu perturbé, mais pas autant que les grosses affiches publicitaires en avant du bar. Je me suis dit, voyons, Lambi, tu rushes, t'as besoin comme d'argent. On va t'aider si t'as besoin d'autant de publicité dans tes lieux. Mais il me semble que c'est peut-être parce que autrement, ils sont plus subtils. Là, ça m'a vraiment... il y avait une petite crowd, mais une crowd publicitaire qui, moi, il graisse à l'œil. Autant que ce rideau avec des botches, oui, il y a des traces de botches, je me suis dit, c'est là, je pense, que j'ai eu le sentiment de tuer une salle un peu mal aimée, dans le sens qu'on n'a pas pris bien soin de toi. Ah, ouais! Je veux dire, depuis les années qu'on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics, je me dis qu'il n'a pas été changé depuis ce temps-là, fait que c'est un peu triste. Aïe, aïe, aïe! Mais tout ça... Et ouais, purement esthétique, dans le sens où mon œil est un peu, attristé de la situation, mais ça change pas tant la crowd ni la performance. Je vous avais passé rapidement la semaine dernière, alors, vu que j'en reparle, je vais faire un retour un peu plus approfondi, parce que je suis allée voir... attends, on va le passer, puis je vais retrouver son nom, ça va bien? Fermez les becs, écrasez tout ce qui t'intéresse. Je suis tellement différent, je dois être extraterrestre. Extraterrestre, espèce d'extraterrestre. Je vois les choses si... Deshorty, j'ai retrouvé son nom, qui fait dans un mélange bien varié de musique urbaine et plusieurs styles. Là, c'est sûr que c'est juste un extrait, là, c'est quand même plus varié dans une performance complète. Et comme j'avais mentionné, c'est vraiment les, comme tout le monde est assis, c'est plutôt calme. Il y a quelqu'un qui, la seule personne qui était debout filmait. Ça, on ne sait pas si c'est pour un futur vidéoclip. Et c'est jamais... Oh, le vide dans une salle n'est jamais autant marqué quand il y a trop d'éclairage pour souligner le tout. Parce qu'il y avait des espèces de lasers avec des effets spéciaux, comme des espèces de picots qui faisaient une danse. Oui, comme ceux qui dansaient, c'était l'éclairage. C'était un peu particulier. Ça faisait comme... Ouais, vraiment un circuit. Ça tournoyait. C'était... écoute, c'était tout un spectacle, cet éclairage. Mais elle prenait tout l'espace... Ouais, sûrement que je l'aurais pas autant remarqué s'il y avait eu plus de danseurs. Bah, ça ne sera pas, ouais, ce sera pas tant le cas. Les quelques personnes qui vont avoir dansé, c'est les derniers arrivés, peut-être des gens du festival, peut-être des curieux, tout comme moi, mais qui vont rester plus à l'arrière, moins en avant, malgré qu'il va avoir quelques interactions avec le groupe qui, ouais, est très naturel dans sa façon d'être. Ouais, c'est très... très simple. Quand je dis naturel, c'est sans façon. Pas cabochon, pas bonne franquette, pas professionnel non plus. Puis on dirait, je me demandais, c'est quoi cette espèce de limite entre les deux? Tu sais, je me suis sentie un peu comme sur... Ouais, comme un moment de répétition avec eux autres. Je sais pas si c'est, encore une fois, l'ambiance du Club Lambie qui m'a un peu biaisée dans ma perception de... Ouais, un peu, je suis encore dans mon local de pratique qui pourrait avoir quelque chose de sympathique, mais qui m'a pas tant venu me chercher. Je pourrais pas... ouais. Mais en même temps, en feuilletant le cahier de Pop Montréal, ce qui est quand même... d'intéressant pour vous, chers auditeurs, ben, je pensais pas que c'était accessible à tous. Crowd! C'est que les séances d'écoute de Pop Montréal qui font la sélection des groupes qui passent au festival et, ouais, à y avoir déjà participé, c'est comme une trentaine de groupes qui sont écoutés durant un 5 à 7 puis après ça, c'est aussi resélectionné. Fait que je trouve ça toujours beau et incroyable de pouvoir laisser la place à des groupes. Justement, que je me suis dit... ça donne une crédibilité supplémentaire de pouvoir jouer à Pop Montréal. Moi, puis je me dis, c'est quand même fou, cette espèce de... Ouais, est-ce que t'es rendu là dans ta carrière ou non? Je sais pas, mais en même temps, c'est une belle accessibilité. Je trouve ça... ouais, je trouve ça vraiment incroyable pour tous les groupes qui peuvent y être. Mais il y aura quand même dans la crowd quelqu'un de tout à fait ambiancé. C'était le gars qui, oui, donnait des coups de paille en beatant avec sa tête. Ça m'a fait vraiment un gros effet, puis je pourrais pas vraiment vous expliquer parce que, mais ça, il y a quelque chose d'enfantin de boire avec une paille pliée, parce que dans les bars, il me semble qu'il y a pas l'espèce de petit, tu sais, comme ça peut s'étirer, fait que tu peux la plier, là, d'habitude, c'est des pailles drettes, mais parce que tu la plies pas toi-même, parce qu'anyway, ça boit mal après, fait que ça marche pas en tout. Mais vraiment, je sais pas, c'est comme, je fais deux choses en même temps, hein, pas de temps à perdre, bois ton drink, beat avec ta tête puis ta paille, fait que... Moi, j'ai trouvé ça fort charmant. Et c'est comme ça que je suis partie du Club Lambie pour retrouver Casa del Popolo, que bah, je connais, ouais, je suis habituée. Elle était à la hauteur d'elle-même. Et même plus, je dirais, parce que celui qui jouait était Devin Welsh, qui fait de la musique solo et qui était fort populaire. Il était seul sur scène, mais pas du tout dans sa salle. C'était vraiment paqueté, mais étant donné sa musicalité, j'ai senti que ça allait être tranquille et surtout très immobile. Et surtout, ben bon, OK, pour ceux qui m'ont déjà vu en vrai, là, je suis pas grande, là, fait que c'est facile de battre sa grandeur puis que je voyais rien pantoute. Le gars était grand, mais en même temps, moi, j'ai senti que j'avais... pas ma place dans la crowd. Tu sais, pas tant fan, ça va pas bouger, je vois pas grand-chose. Je suis partie, mais même en partant, là, j'étais à contre-courant contre la crowd qui arrivait parce que c'était le début de la performance. Fait que, oui, je vous en passerai pas un extrait, mais je vais vous encourager à aller le découvrir. Et finalement, et ça aura vraiment été ma découverte à Pop Montréal, parce que à regarder sur Internet qu'est-ce qui se fait, il me semble que c'est pas la salle que j'ai vue le plus souvent ressortir dans mes recherches, c'est le KJB. C'est un café artistique, c'est vraiment... ça ressemble au Casa dans un sens, même si c'est pas les mêmes propriétaires, t'sais. Un menu végé, des cocktails, les trucs sont faits maison. Oui, le look un peu... un beau cachet artistique. Et, tout comme la Casa, il y a un petit côté secret caché. Ouh! Moins que la Casa, il faut vraiment que tu fasses un détour. Il faut que tu le saches, c'est où la salle, si tu le sais pas. Ben, tu fais comme moi la première fois, là, t'es juste perdu pis tu comprends rien. Mais là, cette fois-ci, mais ça, c'est un peu plus clair. Un peu. Un peu. Et j'avais l'impression de tomber sur une petite caverne d'Alibaba parce que c'est complètement, ouais, ouais, c'est n'importe quoi comme salle. Il me semble qu'il y avait une espèce de cabanon à l'intérieur, vitré. Tu sais, c'est une bâtisse ancienne, fait que tout est préservé. Et c'est là que c'est drôle, la conservation des bâtiments et des salles de spectacle, parce qu'autant le Club Lambie, je me dis, ah, mais il me semble qu'il y a besoin d'un peu d'amour. Tandis que là, tu voyais la peinture défraîchie sur le plafond. Ah, mon Dieu, qui est tellement beau, du KGB. Puis tu te dis, il me semble que c'est drôle. Peinture qui écaille, je trouve ça du cachet. Botch sur un rideau, je trouve ça pas d'allure. Je sais pas si c'est... ouais, je sais pas si c'est mes goûts personnels ou tout simplement... Ouais, l'amour qu'on porte sur le mobilier et tout ce qui en entoure va savoir. Mais justement, le fait qu'il y ait un petit step, que ça soit pas droit, puis même la salle, la scène est en longueur, pour le groupe, ça devait être zéro évident. S'installer, ça doit pas être vraiment agréable. Mais pour le spectateur, moi, je trouve ça... Ouais, le fait que ça soit... original apporte un plus, et le fait que ce soit, il y a un poteau en haut, au centre de la salle, podium, plein d'espace, tu peux te placer un peu partout, et ouais, je sais pas, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Tu sais, si tu as envie de mieux voir, il y avait ouais le podium qui servait bien. Si t'avais pas envie d'être trop proche de la scène, tu pouvais aussi, puis c'est tellement petit que tu vas toujours te sentir proche de l'artiste. C'est drôle, je pense qu'il y avait peut-être juste juste, il y avait quand même un mètre peut-être de distance entre ceux qui étaient debout et la scène, puis en même temps, vous voyez qu'il y avait une proximité entre le groupe et, ouais, la crowd. Je suis allée voir Louise Burns, alors on va écouter un petit extrait. Ah oh oui, c'est paisible. Oh non, on s'excite pas trop. Quoique, dans la foule, il y a une gentille dame qui se démarque, puisqu'elle, ouais, elle dandine, elle s'amuse. Et, elle jouait aussi le soir même. C'était Kendall qui était comme la crowd à elle tout seul. Ce qui est quand même drôle. Je me demande toujours comme à quel point il faut qu'on considère les gens dans la foule. Parce que déjà, en tant que critique de crowd, je vais voir souvent des spectacles, mais aussi d'autres gens qui vont souvent voir des spectacles. Je te reconnais la face, crowd! Reste que cette fois-ci, elle est tellement radieuse. Elle est facile à reconnaître, bref, Kendall. Mais cette fois-ci, c'est aussi ça fait partie du spectacle. La chanteuse en a fait mention deux fois. Sont-elles amies? Sont-elles connaissances? Est-ce qu'elle est fan? Peut-être un mélange de tout ça. Reste que ça a influencé aussi la performance, le fait qu'il y avait une interaction, oui, avec le public, mais plus précisément avec elle, sans que ce soit, comment dire, lourd. Non, tu sais, ça se faisait pas... ça sentait pas le PR, ça sentait pas non plus les inside jokes ou quelque chose du genre. Et surtout parce que ça amenait une bonne ambiance, le fait qu'elle se sentait aussi libre de danser. Amenait d'autres aussi à danser avec elle, d'autres camarades. Fait que, ouais, pour ça, j'ai trouvé que ça donnait un aspect encore plus enchanteur au KGB, encore plus à la performance de Louise Burns. Alors, pour tout ça, en même temps, je crois que je vais renouveler l'expérience. On va continuer en musique avec un de mes groupes préférés, Le Nombre, leur album que j'ai dû le plus écouter, Ville est fantastique. Et pour toutes ces salles qui, parfois, oui, en festival, sont jamais assez pleines. Ah! Pour sa capacité, j'ai décidé de vous passer la chanson Je suis vide. Le nombre avec la chanson Je suis vide sur leur album Ville est fantastique. Vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de la marge et après les publicités. Mon Dieu, deux mondes que j'aurais jamais cru parler en même temps, du drone et du ska. Oui. Oui, ça se mélange presque pas en même temps, là, mais je peux en faire en deux jours différents. Fait que je vous reviens avec deux comptes rendus tout à fait différents après les publicités. À tout de suite. Salut tout le monde, ici Michel Kunta qui t'invite dimanche le 9 octobre au 7e anniversaire de l'Abreuvoir en collaboration avec Jack Daniel's Number 7. On a tout plein de surprises pour vous les tanneurs. Barbecue sur la terrasse en après-midi, taureau mécanique dans un décor Western Tennessee style, des cadeaux spéciaux aux 250 premiers clients et après on continue la fête dans le club au sous-sol à partir de 23h avec nul autre que DJ Timer. Ne vous inquiétez pas, hein, le lendemain c'est congé. T'as aucune raison de manquer le 7e anniversaire de l'Abreuvoir le 9 octobre. C'est un rendez-vous, les Clint Eastwood. L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Congos, en spectacle au Métropolis de Montréal le samedi 8 octobre, avec invités spéciaux de Joy Formidable, les billets sont en vente maintenant à la billetterie du Métropolis au 1-855-790-1245 ou via evenco.ca. Congos, le samedi 8 octobre au Métropolis de Montréal, présenté par Greenland et Evenco. Bastille, en concert. Le dimanche 26 mars au Centre Bell. Le nouvel album Wild World en vente dès maintenant. Bastille, billets en vente le vendredi 7 octobre à midi au 1-855-310-2525 ou via evenco.ca. Ne manquez pas Bastille en concert. Hey, ici Loud and Larry, baby. Hipster Rich grâce à CISM Radio. Ça, tu peux m'appeler Yann Payroll. Okay. All about my paper, so she put us in sa paper. All about my paper, so she put us in sa paper. All about my paper, so she put us in sa paper. Grill your money, all stars, but you fall down. De retour avec un tout nouvel album, Run. Run, nouvel album de We Are Wolves, disponible partout dès maintenant. Le Festival Burlesque de Montréal et Scarlett James vous invite avec une joie immense à la 8e édition de cette fin de semaine des plus prestigieuses. 3 soirs, 3 spectacles, ateliers, cocktails de fin de soirée, tous les ingrédients pour un moment inoubliable entre amis ou en couple. 13, 14, 15 octobre 2016 au Club Soda. Billets et informations, montréalburlesquefestival.ca, clubsoda.ca. Le glam est à l'honneur sur la scène comme dans le public, car vous aussi, vous faites partie du spectacle. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Je m'en prends la température. J'ai pas respiré ma calme. Alors, toute sa distorsion crabe avec la chanson Nouveau document sur leur album Mort de fraîche date. Vous écoutez Critique de Crowd, vous écoutez CISM, vous écoutez Jolene parce que ben c'est moi derrière Critique de Crowd. Et crabe, ben écoute, si t'as pas eu l'occasion de les voir cet été, il me semble qu'ils ont fait beaucoup de spectacles. Ben ce sera bien aussi l'occasion ce soir. Ils seront avec Uburu et Jonathan Gatt au Matari Loft. Et avoir vu et vous avoir fait une critique récemment de Jonathan Gatt, ça ne pas manquer, sincèrement, ça va être tout un show. Je dis ça, puis moi, je serai pas là, parce que ce soir, c'est le retour après 25 ans de pas de spectacle, les Tératologues à l'ESCO. Je vous ramène avec un compte-rendu bien certainement, une belle critique de crowd. Alors, soyez à l'ESCO, et on va pouvoir se faire des pouces en l'air ou boire des shots pour les Tératologues et leur grand retour. Et sinon, peut-être files-tu plus folk avec Fred Fortin? Pourquoi pas? Il est aussi en spectacle ce soir au Club Soda avec Laura Sauvage. Effectivement, c'est bien des suggestions, tout ça. Et j'en ai pour tout le restant de la semaine. Vendredi, si t'as l'âme pirate, va voir Alice Storm. Ça, les avoir vus en spectacle, mais à l'extérieur, avec un peu de bouette au EV Montréal, je serais quand même curieuse de voir le niveau de propreté en salle. Et cette fois-ci, ce sera au Théâtre Corona. Samedi, sois ami avec les propriétaires du Studio B pour pouvoir y aller. Parce que non, tu n'as pas l'adresse, mais oui, c'est un événement que tu peux retrouver sur les internets. Mathieu Bérubé, Désiré Renard et Ego Dette, le tout se passe au Studio B. Dimanche, si tu as déjà eu un toupette, peut-être te sentiras-tu nostalgique de l'époque où tu écoutais Parkway Drive, qui vont jouer avec Weekend as Romans, Blind Witness et Counterparts. Ça se passe au Metropolis ce dimanche. Lundi, Neon Indian au Théâtre Fairmount. Mardi, Preoccupation sera encore, ben oui, encore et toujours le Théâtre Fairmount. Il est populaire ces temps-ci, je vous le dis. Et il y a aussi mardi. Alors, je ris gênée parce que je me suis fait dire hier par des gens que j'estime musicalement parlant que leur spectacle n'est pas tant bon. Mais moi, sincèrement, si j'avais été libre mardi, je serais allée voir Crystal Castle. Puis, ouais, fait que je veux que vous y allez pour me confirmer cette information. Vas-y, crowd. Mais, ouais, la musique est bonne, c'est ce qui compte aussi. Alors, Crystal Castle au Théâtre de Corona ce mardi. Et finalement, mercredi, j'aurais pu te faire plein d'autres suggestions, mais cette fois-ci, ce sera Tom Gossage Other Voices, parce que je vous dis plein d'autres. En ce moment, c'est le Off Jazz. Il y en a plein d'autres jours. Ça commence, puis ça finit de ces temps-ci. Fait que aller au cabaret du Lion d'Or ce mercredi pour voir Tom Gossage Other Voices. Personnellement, je vais faire un tour au Off de Jazz demain. Fait que c'est plein de surprises et d'aventures qui me réservent parce que je ne suis toujours pas allée au Off de Jazz. Alors, c'est à suivre. On continue en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM en quatrième et en troisième position. Oh, des voisins de palmarès, c'est-tu pas cute? À la claire ensemble et l'amalgame avec Of Course. Ouais, ça se combine très bien. Alors, du beau rap avec Fouette et Fufunk. Fouetteur de boîte, pas canadien. Va. Hop, tiens, c'est les retours des fouetteurs de boîte. Ouais. J'ai des vieux rêves qui datent d'il y a plus que 10 ans. Qui donnent l'impression d'être encore en vie comme un lit. La vie m'a l'air de rehab, j'apprends continuellement rire. Vive le printemps, bloque mes ruelles, crotte et sent le lit. La récupération de taxes, ça ne peut pas te jeter. Mais on se rejoint chez mon couloir Bob et split les pointes de pizza. Les curieux nous demandent si on vit ça. On répond yeah, les chiffres bougent tous dans nos comptes comme dans une game de Ouija. On aime cocaine, no way Jose. Quand je soul train, fais le beau way music. Pense à mes crédules. Asiatic do-rag, spaghettini, lamborghini, cold nights, bottega light. Prosciutto toast, no one could ever know. Tellement beau, tu gropes les risques, c'est que joke. Pour essayer de cope, la vie est une joke. Tout le monde est broke à sa façon. Que tu copes ta viennoiserie au Costco à la Gasco. Le kick-in Kong, le fructose dans le tapis bon au monde. Le pollen est familial, keep le nectar dans le money. Le honey sur le cerisier, feeling like sunny listen. Merisier dans cheminée, burn, be your god, but pesticides on my beer dump. Good morning Vietnam, come on, knock your money rap. What's up, bro? I'm cultive des cas, c'est le bord de nos babines. Parcailleur, permaculture, act. Yo, les parcailleurs, société publique de fouetteurs de bouettes. Je veux rien savoir de mouettes, je te laisse avec les mouettes. Dans le club avec la section VIP que tu louais. Moi je passe vite, j'suis venu ramasser le pourcentage de couettes. Ah, when I go out, c'est dans la cuisine à natte. And then I go back for mon fils, puis ma femme. When we cash out, c'est dans le spectacle. Ce qui nous attira au Chiaga, c'est les pattes de crabe. Yo, Bobby, kick that slow ass shit. Sur un patio préfini, en suivant la bébène pour étancher l'infini. À la bouteille, tu t'es pendu de bonheur. À quel point c'est de valeur, vivre au dépend du dépanneur. S'il y a du funk qui bombe, c'est là qu'il faut que tu grouilles. Ah ouais, garde à vous le main, faut pas être assis sur une couille pour être marabout de même. Mets tes shoes sur la piste, si tu l'aimes, tes moves, tu veux slip gratis. 1991, chaque mois l'entrée dans ce monde, j'pense à chaque seconde. À quel point c'est nice de sortir d'un belly. Tellement belly, ma slime fait une blonde. Une belle infirmière qui connaissait James Brown. On marche sur les temps de la toune qui est dans sa tête. Un peu tout toune, mais sur rhythm était tight. Qu'une baseline dans ses têtes, like a proven all that. One day, je lui dire ciao, bye, mais reste fier. Cause I kept it fly, and I can testify que tu peux pas mieux faire que de danser le soir avec cette infirmière. So j'ai écrit ce verse pour ma nurse. Le contrat des goddesses qui se prend pour Zeus. Écoute, moins de spots, couchez-moi une niaiseuse. Ça, ça vaut gros, mais que c'est des rendez-vous. Y'a du bon monde à Villeray, Antique pis à Rosemont. Pensez à TV, en 95 à Pimpon. En hiver un petit peu givré, quand on chill pas dans le salon. On va jamais y arriver, à tenir les citrons. Ils ont soul, c'est le kitty cap boot. Name it, vinyl, bap, boom. Yeah, yeah, mille marches pour. Et mes kick et back tout. L'été t'as un chanson où les clés. C'est cool, bébé. Fais bien du bruit. T'inquiète, tu oui, y'en a plein. Fais bien des fruits. Ça va bien, c'est moins dingue. Tu penses pas demain. Puis ramène le refrain. Y'a le son que tu aimes. Quand t'aimes bien, les chicks, c'est les pompes funèbres. Come on! Ça fait que tu peux rouler dans. on va le temps, on va le temps, on va le temps, on va le temps, on va le temps. Vous venez d'entendre l'amalgame et of course avec la chanson Foo Funk, troisième position du palmarès francophone de CISM. Et cette chanson se retrouve sur leur album Le Prix du Funk, que vous avez aussi entendu à la claire ensemble, et Fouette de leur nouvel album Les Frères Cueilleurs. Et palmarès va sur CISM893.ca, l'application, plein de possibilités pour voir toutes les autres positions du palmarès ainsi que le palmarès anglo. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene. Et oui, et je t'ai promis du ska, je t'ai promis du drone. On va commencer par le ska parce que je sais pas si ça paraît peut-être pas là en onde là. Mais d'habitude, je vais assez de façon chronologique. Fait que tu sais, va dire jeudi soir, j'étais au ska, le vendredi, j'ai eu du drone. Fait que chaque chose en son temps. Et c'est vraiment sur le fly, tu sais, comme de même, pouf, que je suis allée au festival, le festival du ska de Montréal. C'était pas partout prévu. C'est plutôt, on m'a dit, allez, Jolene, viens, viens, Jolene, au festival du ska. Puis j'ai dit, pourquoi pas? J'étais pas tant informée de la programmation et encore moins que c'était en fin de semaine. Ouais, ouais, ça me fait ça à chaque année. Je me dis, ah, j'ai envie d'aller au festival ska cette année. Puis là, je regarde zéro les dates. Puis là, finalement, ah, je suis en train de le manquer. Ah non, ce n'est pas le cas. La vie est bien faite, effectivement. Et le festival ska de Montréal existe depuis 2009. Et aussi, c'est organisé par la société ska de Montréal qui existe depuis 2008. C'est un organisme à but non lucratif pour l'avancement de la musique ska, reggae, toutes les influences jamaïcaines de Montréal. Et d'ailleurs... Parce que c'était assez fou la programmation des bands qui viennent du Mexique et de l'Australie. Là, j'ai manqué les beaux Mexicains, mais j'ai vu The Resignators, qui sont 8 musiciens. Ben oui, du cuivre, un clavier, ben du monde, ben de la musique. C'était fort sympathique. Et boy, c'est en rencontrant un des groupes dans une tournée à Vancouver au Victoria Ska Fest qui finalement, ils sont repartis en tournée ensemble. Ben, c'est beau, l'amitié. Et voilà, fait qu'en ce moment, je pense même qu'ils sont en tournée là, 2 semaines Québec, Ontario. Fait que si vous les avez manqués à Montréal et vous êtes amateur de ska, profitez-en. Peut-être que c'est dans votre coin, genre qui habitent pas à Montréal ou qui a envie de voyager un peu. La musique, ça nous fait faire ça aussi. J'avoue, je les connaissais pas du tout, alors ça a été une découverte, mais le groupe qui terminait ce party de lancement aux Catacombes était Il Scarlett. Bon, là, il y a peut-être juste moi qui crie. Là, tout de suite, tu fais comme Il Scarlett, zéro mémoire de ça, ou bof, ou ouais, t'as le droit à l'émotion que tu veux, mais moi, personnellement, ça l'a suscité vraiment beaucoup. Je pensais pas dans ma vie voir Il Scarlett. Tu sais, plus jeune, j'allais au Van Zopter, puis je pense que j'ai pas allé à des dates où eux y allaient. Leur album All Day With It, c'était un album qui a été or au Canada. C'est des petits Canadiens aussi, fait que ça donne bien. Et ouais, il me semble que, tu sais, comme la toune. Puis tu sais, l'album, il date de 2007. Tu sais, comme la toune, Nothing Special. Là. Moi, je me sens que j'ai trippé. Oui, je l'assume. Oh, oui. OK, on se gâte. Oh, on écoute un extrait. Ben, un extrait, on écoute le début, là. I'm sick and tired of everybody thinking they know what's best for me. And maybe God wanted me to be nothing special. I'm past the point of breaking and I'm not sure if I'm gonna make it. I'll keep this gift from breaking as long as you believe. Ben oui, hey, je suis excitée. dans les studios de CISM toute seule. Ouais, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je l'ai aimé, cet album-là. Et je croyais que c'était un peu la fin parce que l'autre album, j'avais écouté deux, c'était Clary, Another Fine Mess, qui était en 2006. Fait que moi, je pensais que ça n'existait plus, moi, Il Scarlett, c'était fini. Merci, bonsoir. Non, non, non. Ils ont même un album, Il Scarlett, Il Scarlett, bien choisi comme nom, qui est sorti en 2014. Encore actif. Je pourrais pas tant m'avancer sur le sujet. La formation a surtout changé de membre et je pense qu'il en restait deux originales. Fait que voilà, c'est avec comme plein de surprises que je suis arrivée aux catacombes en me disant « What? » Je pensais pas aller voir Il Scarlett un jour dans ma vie, puis ça se passe. Fait que en attendant de te revenir avec cette critique de crowd, on va écouter deux bands qui étaient aussi dans la programmation du Ska Fest de Montréal, les Planet Smashers, un grand classique. La chanson Attitude exagérée se retrouve sur une compilation qui s'appelle Two Tongues de Québec en montre une. Il y a beaucoup de bands, c'est vraiment intéressant comme compilation. Et ensuite, Downtown Fiasco, découverte. Alors, c'est la chanson Drapeau rouge qu'on va entendre qui se retrouve sur leur album Insatisfaction garantie. Pour le moment, y'a pas une chance. Je vire de bord complètement écouré. Qui dois-je blâmer? Je suis dégoûté. Ne jamais me plaindre de voir t'amuser. Je sais pas pourquoi tous ces efforts m'épuisent. Je veux pas lâcher tant d'énergie. We'll be right back. Dans le temps de fiasco, insatisfaction garantie, la chanson Drapeau rouge. Et oui, c'est bien facile de reconnaître les planètes smasheuses, même quand ils reprennent leur propre chanson en français avec attitude exagérée. Et... Et ça, c'était un extrait des Resignators et une chanson qui s'appelle Offbeat Feeling. J'ai arrivé vraiment pour ce groupe-là, pas que c'était expressément, là, c'est plutôt comme d'habitude, je fais pas à l'avance. Et oui, c'est tout à fait festif, tout à fait sympathique. Ouais, on dirait que quand j'étais aux catacombes, mon premier réflexe c'était de me dire, est-ce que c'est possible un show de ska plate? Mais ça, il y a tout le temps de l'ambiance. Ça, il y a toujours au moins une personne qui danse. Mais ça, tu peux pas faire la baboune dans un show ska. Le pire, mon Dieu, confession. Moi, genre, d'habitude, je prends pas tant le Wi-Fi avec mon téléphone. Puis là, tu sais, finalement, j'ai regardé mes messages. Là, finalement, Catacombes, ils sont généreux. C'est une coopérative. Ils fêtent l'artisan. Ils te donnent les internets gratis. Bref. Puis en checkant mes messages, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Puis là, j'étais juste comme, je suis pas de bonne mère. Mais j'étais un show ska! Je sais pas comment gérer mes émotions. Tu sais, j'étais comme, je suis pas contente, je suis frustrée. Ah, mais on n'écoute pas, le ska. Tu sais, c'est impossible. Je te le confirme, crowd. Tu peux pas faire la baboune, tu peux pas être triste, tu peux pas pleurer en écoutant du ska. Le ska, c'est le remède à tout. Genre, peu importe ce qui t'arrive, écoute du ska, ça va bien se passer. Oui, alors... sur ça, par contre, si vous aviez certains clichés vestimentaires sur le ska, tu sais, on a une image très carreau, noir et blanc, le chapeau, la cravate. Non, croiser personne de la sorte. Quelques gens avec des dreads, étant donné aussi... le lien reggae, ska, oui, on voit bien les allégeances musicales communes. Mais non, personne n'était, des clichés sur deux pattes. Les gens étaient colorés, les gens étaient stylés. Aussi, tout à fait simplement, jeans, t-shirt, beaucoup de t-shirts, justement, de Ben qui aime. Alors, ouais, ça va être ça, parce que, je dis cliché, tu sais, le bonhomme ska qui danse, qui a vraiment les bras tendus et les jambes pareillement, ben, tu sais, c'est un dessin, là. Mais il y en avait un qui était exactement lui, par contre. Et en mieux, surtout. C'est le danseur de ska le plus incroyable au Québec. Il était complètement fou. Et quand je dis du Québec, c'est parce qu'en jasant après le spectacle, il a fait de la route. Il est parti de Québec jusqu'à Montréal juste pour aller voir Scarlett. Quand il y a des fans, t'es fan. Et ouais, si on se demandait si la situation du ska se portait bien à Montréal et un peu partout dans la province, ben je te dirais qu'en tout cas, les fans sont fervents, pas à peu près à avoir... oui, jasé avec lui puis avec d'autres qui restent très, très présents de la scène ska. Alors, qualité... que de qualité, mais puis ça danse de la qualité tout le long. Il volait la vedette. Déjà en partant, il y avait d'autres danseurs très en ligne, étonnamment pour du ska. Tu sais, on n'était pas proche du ska trash. Il y en a un qui a essayé de poussailler notre danseur vedette, puis tu sais, ça marchait pas tant là. Il était pas dans le mood. Un gars baraqué, musclé, qui danse là d'une précision là. Tu sais, c'était pile boum boum. Il y avait du kick dans son dans son ska, autant dans les bras que dans les jambes. C'était une performance. Il était tout en sueur aussi. Là, ça avait l'air d'être tout un exercice cardiovasculaire, danser de la sorte. Mais plus que danser le ska avec une maîtrise de la technique, il avait amené à un niveau inégalé. J'ai jamais vu autant de précision en dansant le ska, autant de fermeté. Ah, c'était beau. Je te dis, c'était incroyable. Mais ce qui est drôle, ouais, c'est le fait que c'était autant en ligne puis peu d'échanges entre les gens. On dirait que c'est la première fois que j'allais voir peut-être, un peu moins ska punk dans l'ambiance où ça va trasher, ça va se poussailler, puis on danse un peu entre tout ça ou en même temps. Non, on n'était pas encore dans ce mood-là. Et sinon, dans la soirée, il y a eu la lancée du kangourou, parce que je t'ai dit que les Resignators, ils viennent de l'Australie. Je te le dis pas, je te le répète, ils viennent de l'Australie, fait qu'il fallait qu'ils amènent un kangourou gonflé, bien évidemment. Et... c'est le moment qu'on réalise que lancer un kangourou, c'est tough. C'est la première fois que ça m'arrivait, mais je te le confirme, ça s'attrape mal. Tu sais, en plus, c'est un kangourou boxeur. C'est les petits bras avec des poings puis la petite tête. Là, tout le monde essayait de le relancer dans la foule comme si c'était un ballon, mais non, ça marchait pas tant bien. Justement, notre danseur vedette, il l'a pris, il l'a mis devant la scène puis il était comme, c'est fini. Le kangourou, il prend un congé. Après, ça recommencé, là, ça dure jamais longtemps, là, des breaks de même. Mais... Mais reste que moi, je pense que c'était la décision la plus sage à un moment donné avec le kangourou parce que ça se lançait super mal. Puis c'est juste un peu comme, un peu plate à dire, mais c'est un peu désagréable. Ça portait pas vraiment un plus dans la foule. C'est plus comme comment je vais rattraper le kangourou. Et sinon, par la suite, ben oui, comme j'ai mentionné, Il Scarlett, ma surprise de ma soirée. Et là, étant donné que c'est plus ska-punk, on va vraiment plus assister à une danse ska et trash à la fois. Un pit, vraiment intéressant, bien serré. Et c'est varié. L'espace aussi aux catacombes, ça va souvent plus proche de la scène. Ça forme souvent une espèce de U, le trash. Puis pour les moments où c'était plus dansant, effectivement, c'est encore le cas. Mais il y avait de la place pour pouvoir s'amuser. J'ai trouvé ça vraiment sympathique de pouvoir aller danser et revenir. Puis que ça soit pas compliqué, c'est bien... c'était beau! Et... tentative de body surf. Non, il était complet, c'est juste qu'il s'est fait de façon douce et délicate. Ouh! Tu sais, quand t'annonces vraiment ta présence sur scène, on prend le temps, puis après ça, tu body surf, puis après ça, on traîne comme une princesse. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, et ça a été la seule fois aussi, du festival. Maman danse! Encore et toujours, parce que tu sais, ska, danse. C'était un moment un peu plus mollo, alors avec mon ami, je décide qu'on danse une valse, pourquoi pas, et on a été imité par d'autres gens dans la crowd, deux gars qui nous ont complètement torchés, ils dansaient mieux que nous autres, fait qu'on était juste gênés, et il y a même eu un commentaire, et là j'ai été étonnée, justement, dans le surplus de joie de vivre du ska, il y a une fille qui s'est permis de nous dire qu'on dansait mal! En plus, on était comme rendu un peu plus tard dans la soirée, tu sais, on avait valsé, elle nous avait spoté, on danse le ska, elle trouve que notre technique est pitoyable, là, je pleurais, je suis comme, mais voyons donc, voir que je me fais juger à un show de ska, qu'est-ce que c'est ça? Mais on a été consolés, justement, avec notre danseur vedette et sa technique de feu. Ben, lui, il a décidé de danser avec nous trois. On était tous les trois, comme ça, on danse en cercle, on s'amuse, puis on se fait des nouveaux amis, et c'est comme ça qu'on apprend à les connaître et qu'on les apprécie. C'est pas en leur disant qu'ils dansent mal qu'on se fait des amis, non. Fait que retiens ça, crowd, chers auditeurs de CISM. Tu peux trouver que les gens dansent mal. Mais donne-leur des conseils, insulte-les pas, parce que sinon critique de crowd va le répéter sur les ondes de la marche, puis ça, c'est pas beau. Oui, j'étais vraiment choquée, sérieux. Déjà que j'avais eu des mauvaises nouvelles, je me disais comme, ah zut, puis là, le ska me réconforte. Après ça, les amateurs de ska me jugeaient. Je fais, voyons donc. Mais ce n'était qu'une exception pour confirmer la règle. On va continuer en musique. En faisant bien des recherches dans la discothèque de CISM, j'ai découvert Skaffaire Latine, ancien groupe français. Et sur leur album Basta Basta, ils ont écrit la chanson Jojo. D'être au boire, Jojo est mort, noyé, qu'il se serait promené au bord du vieux canal, par contre un condamné à la vie trop banale, Jojo. Mais il n'aimait pas l'eau et encore moins la marche. Je vois pas pourquoi je serais tombé de l'arche. Mais il n'aimait pas l'eau et encore moins la marche. Je vois pas pourquoi je serais tombé de l'arche. Moi je pense qu'on l'a fait voir. Certes, sans trop le forcer, jusqu'à ce qu'il soit noir, sa boisson préférée, Jojo. D'entendre le groupe Alaska. C'est un groupe qui n'existe plus, mais qui venait de Trois-Rivières. Trois-Rivières, ça, c'est ma ville où je suis née, c'est la mienne. Fait que j'étais bien heureuse de cette découverte grâce à la discothèque de CISM. Alaska et la chanson La balade au cimetière. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, Jolene Ruet, CISM 89.3 FM. Et fini le ska, puisque c'est... Ouais, encore une fois, sur le fly, je pense à la thématique de la semaine. C'est comme, dernière minute, on me dit « Jolene, veux-tu assister à tel spectacle? » Je suis comme « Oui! » Je dis oui à toute expérience crowdienne qui comporte de la musique et des agréments. Et voilà, une belle salle de spectacle encore plus. Oui! Parce que du jour de l'activité In Progress, ça se passait au studio de Griffintown, puis c'était très, très beau. Mais avant, étant donné que c'était purement à dernière minute, j'avais d'autres affaires de programmer dans ma vie, telle que... Bon mélange. Je suis allée cueillir des pommes, pas n'importe où, je suis allée les cueillir à Laval. Ouh! Fait que c'est quand même assez proche, c'est quand même assez simple de faire beaucoup de choses dans sa journée et d'aussi aller au théâtre La Chapelle pour assister à la... un spectacle de danse, ça se dit bien. Poor de Dana Ashby, et c'était sa première pour Poor, et le tout était interprété par Paige Curley. Et quand je dis bon, ben, ça te donne le temps de faire tout ça en même temps. Mais Montréal, c'est petit pis c'est grand en même temps. Fac! En gros, Là, c'est le moment un peu étrange, mais qui concerne juste moi. Je porte un énorme sac parmi la crowd qui est rempli comme d'une vingtaine de pommes. Puis, en plus, on était à la ferme, là, je filais foufou. Fait que j'ai acheté une courge. Tu sais, je suis pleine. C'est comme si je traînais mon épicerie constamment. Puis, j'avais pas le temps de retourner chez nous, mon beau Hochelaga chéri. Puis, j'ai juste décidé de partir à l'aventure artistiquement. Je dis, allons-y, peu importe la lourdeur de mes bagages, j'y vais. Personne va s'en rendre compte. De toute façon, je traîne des pommes. C'est pas louche, c'est juste que d'habitude, tu prends le temps de retourner chez vous. Effectivement. Mais je voulais arriver à l'heure parce que là-dessus, surtout mes retards en spectacle, non. En théâtre, en danse, tout ce qui comporte une salle où la porte se ferme et on est dans la noirceur, t'as juste pas le droit d'arriver en retard. Sinon, t'es comme perdu ton billet. Fait que j'avais comme pas trop le choix d'arriver à l'avance. Fait que j'ai décidé de tenir le poids de mes pommes au lieu de retourner chez nous. Hélas, pour vous, chers éditeurs de CISM, c'était du 26 au 30 septembre, fait que je vais te parler de quelque chose que tu pourras jamais t'en revoir bientôt, part de Dana Ashby, qui parlait des menstruations. Non, il n'y avait pas de sang, non, c'était pas gore, non, c'était pas douloureux. Oui, effectivement, dans sa danse, il y avait certaines parties qui représentaient la douleur, mais étant donné ses origines cri et hollandaises, il y avait aussi comme un bon apport de ce don. Le don de la vie des femmes, fait que c'était pas nécessairement négatif, contrairement peut-être à la culture judéo-chrétienne. Fait que c'est vraiment de la danse contemporaine, je tiens à le mentionner. Là, depuis tantôt, je vous passe des extraits de musique. Là, ben, il y aura pas d'extrait, il y avait pas de musique non plus. Quelques chants criés, mais c'est plutôt tout. Oui, et d'une attention assez absolue dans la crowd. C'est époustouflant, un silence pareil, parce que là, c'est le moment aussi. Nous sommes des êtres humains. Et des fois, tu sais, des fois, il y a des petits toussotements, là. Tu sais, comme gêné, là. Tu sais, comme t'es pas à l'aise. Tu sais, comme pourquoi t'as raclé ta gorge spontanément comme ça, là. On le sait pas trop. Mais cette fois-ci, c'était vraiment juste organique, là. Genre, début de rhume, je sais pas trop. Puis là, j'ai comme juste envie de tousser. Puis là, juste comme rempli de. Ouais, là, cette fois-ci, c'est comme pas gêné par rapport au spectacle, mais juste gêné de. Oh mon Dieu, les gens sont tellement attentifs et sérieux que j'ai envie de faire aucun bruit. Je crois que j'ai été le seul bruitage crowdien de l'événement, là. Pour te dire à quel point c'était silencieux. Oh oui, d'un silence assez parfait, je vous dirais. C'était incroyable. Et de toute façon, c'est le genre de performance où, ouais, littéralement, la danseuse se met à nu, mais se met à nu aussi tout le long du spectacle, dans son intensité, dans sa performance. Fait que ça demande tellement une attention du public. C'est fou comment c'est une grande générosité de la part d'un spectateur, mais ça se témoigne peu pour critique de crowd. Tout le monde sont assis puis ils ferment leur gueule. Et ça a été, ouais, une très belle performance. Ce qui est toujours aussi particulier, c'est au théâtre, dépendamment aussi des types de théâtre, il y a une grande habitude d'applaudir et de se lever automatiquement, ce qui devient un peu un peu dommage, parce que tu sais, on sait plus si c'est bon ou c'est pas bon, parce que tu sais, finalement, tout le monde se lève tout le temps. Peut-être quelque chose un peu de culture populaire. Accusons ça parce que les gens ont adoré, les critiques en plus sont super bonnes de ce spectacle-là, puis la moitié de la salle se lève debout. Je suis toujours épatée, est-ce du snobisme, est-ce pour un peu, contrecarrer cette habitude-là de toujours se lever, peu importe si t'as apprécié ou non le spectacle, juste parce que c'est plus facile de partir après. Ouais, fait que c'est toujours, ouais, ça, là-dessus on pourra pas tant analyser le levage de monde de crowd au théâtre La Chapelle. Et là, c'est le moment où mes pommes reviennent dans critique d'un crowd, parce que c'était lourd. Je veux dire, c'était ben trop lourd. Puis là, je me suis dit, ah non. Alors, je peux pas aller voir genre le show de drone puis traîner comme trop de pommes. Fait que j'ai décidé de retourner chez nous, puis j'avoue que c'est un choix que je regrette un peu, parce que sincèrement, là, j'ai manqué la performance de Wade Voivode qui faisait exceptionnellement, ouais, une performance en solo. Tout ça pour des pommes, Jolene, t'avais juste à te retenir. Ben, surtout que Gryffindor, c'est pas très proche non plus en métro, fait que, je le regrette, mais heureusement, j'ai pu voir trois artistes qui étaient tout à fait excellents, fait que je crois que ça pardonne un peu. On va bien dire, oui. Le Red Bull Music Academy. Si tu habites à Montréal, tu as dû voir de grandes affiches dans le métro. Tu as dû en entendre parler. Il est tout à fait présent. C'est du 24 septembre au 28 octobre. Et ça existe, mon Dieu, depuis quand même un bout. 1998, je capotais. Moi, je pensais même pas que le Red Bull, ça datait de ce temps-là. Pire que ça, le Red Bull existe depuis 1984. Là, oui, il fait... j'avais déjà entendu dire que les premières versions de Red Bull, c'est dans des petites bouteilles en verre. Mais reste que je comprends toujours pas, comme l'arrivée au Canada, ça doit être quand même récent, parce que c'est juste comme dans le milieu des années 2000 que Santé Canada, il s'est commencé à poser des questions comme « Oh, mais qu'est-ce que ce breuvage contient de la caféine, mais qu'on connaît pas parce que c'est pas du café puis c'est pas brun? » Fait que bref, Red Bull, t'es plus vieux que je pensais. Et encore plus, ton Music Academy, ça fait quand même capoter. Et c'est un festival et aussi, ouais, une académie, parce qu'ils sont là pendant tout le mois au Centre Phi avec des participants, des conférences, des causettes, tout ça en même temps. Et sinon, le Red Bull Academy a fait plusieurs autres métropoles auparavant, Berlin, New York, Tokyo, Paris, Sao Paulo. Et l'ambition est aussi de mettre en valeur ce qui se fait de façon locale. Et comme de fait, au Drone Academy in Progress, il y a beaucoup d'artistes canadiens. Et on n'a pas à être gênés. C'était excellent. Vraiment. Et je sais pas si c'est Red Bull. Je sais pas si c'est vraiment spécifiquement eux pour l'organisation du drone que je dois remercier pour l'esthétique, l'organisation. C'était beau. C'était bien fait. J'étais vraiment comblée là-dessus. Une très, très, très belle expérience. Je vous en reparle un peu plus longuement, mais étant donné que mon cœur était brisé d'avoir manqué Away, fait qu'on va écouter du Voiva de Corps étranger. Le passage Corps étranger de Voivode, vous écoutez Critique de Crowd. Et ce n'est pas ma première expérience et ni ma première critique de crowd dans le domaine du drone, puisque j'étais allée à la passe pour justement une performance. Et oui, tristement, un feu, la passe. Et là, c'est complètement une autre ambiance parce que oui, la dernière fois, on est assis, les coussins, c'est la passe. Je veux dire, toute l'ambiance littéraire nous envahissait et oui, nous apaisait aussi avec la musique. Mais cette fois-ci, c'est de grandes salles industrielles au studio Griffintown. Et je trouve tellement que ça fonctionnait esthétiquement. Là, c'est beau comment tout concordait. C'était parfait. C'était parfait. Tu sais, pour une fois, il y avait des stroboscopes dans le corridor. Les images que ça faisait des gens qui passent, les silhouettes, la noirceur, l'éclairage. Pour une fois qu'un stroboscope est là à bonne place. D'abord, faut pas faire fierer le monde malade, là. Le stroboscope, ça fait toujours un effet un peu weird. Mais en même temps, là, le nombre de fois qu'ils mettent un stroboscope en plein spectacle, tu sais, comme, ah, ça part à part, là. On est juste en train d'être dans le mosh pit puis de juste se cogner parce que là, il y a le stroboscope. Ou que ça marche plus ou moins parce qu'il y a trop d'éclairage. Puis, bref, on dirait que ça m'a conquis tout de suite. Tu rentrais dans la salle, le stroboscope, l'ambiance. Il y a deux salles. Il y avait la salle 1, la salle 2. Ouais, des noms tout à fait judicieux. Et ouais, c'était si simple. Les stages aussi, tu sais, vraiment simpliste, très métal, le métal apparent, les amplis. J'ai rien de superflu, rien de compliqué. Quelque chose de très simple dans, ouais, tout fonctionnait. J'ai tellement de bons feelings avec le drone. Mais il me semble que ça m'a pas pris. Tu sais, j'ai retrouvé mon ami. Il était à côté sur l'ampli. Ça n'a pas pris 10 secondes, puis j'étais dans un autre monde. Physiquement, c'est prenant et c'est tellement apaisant comme musique que on dirait que là, je regardais la foule juste pour pouvoir vous ramener du contenu, chers auditeurs, parce qu'autrement, j'aurais juste fermé les yeux, puis j'aurais juste profité du moment hyper proche, là. J'étais arrivée pour Disquiet Army, puis ouais, proche, tu sais, comme à un bras de distance, quasiment, c'est pas possible. C'est tellement une sensation à vivre. Je vous le suggère, chers auditeurs, parce que je le sais que vous êtes ouverts musicalement, fait qu'il faut juste recevoir puis en profiter. Et justement, les gens, ils se mettent à l'aise pour pouvoir écouter la musique. La partie à la droite était soit carrément couchée par terre ou assis. Il y avait un gars qui avait enlevé son manteau, qui en avait fait un peu une cape et qui avait les bras croisés. J'avais trouvé qu'il avait l'air hyper confortable. Je trouvais ça très personnel comment il était placé, comme sur le côté, en avant, mais qui cachait personne, finalement. Même s'il y avait des gens qui étaient couchés ou assis. Sinon, c'est pas mal arrangé. Les gens, ouais, très espacés, mais très arrangés. Peu de mouvements, quelques hochements. Peut-être des mouvements qui ont quelque chose d'erratique, tu sais, un peu, ouais, sans dire être perdu. Et étrangement, je pourrais pas dire que c'était durant Disquiet Army, peut-être plus. J'ai vu aussi Stephen O'Malley, que j'ai aussi indirectement fait la critique avec Son. Et peut-être aussi durant la performance de Mélanie Mongeau de Fuck the Facts et également de Fuck the Facts Topo Das. Il y avait parfois des danseurs. Des danseurs? What? Oui, je te le jure, il y avait des gens qui. Là, j'hésite parce que, tu sais, on dirait qu'ils trouvaient du beat pour danser là où je m'en imaginais peu. Je ne pourrais pas juger comment tu reçois la musique et comment tu la vis intérieurement, mais il y avait une certaine forme de frénésie, des mouvements quand même rapides ou quand même intenses. Quoique, ça restait très seul, très isolé, fait que c'était pas non plus très... Tu sais, c'était pas épatant comme mouvement, mais j'ai trouvé ça, surprenant, surtout parce qu'aux dernières expériences, les gens étaient hyper smooth. Fait que là, de trouver une énergie pour danser, j'ai trouvé ça quand même assez remarquable et beau. Oui, beau. Et, très belle expérience. Dommage qu'ils en ont fait juste une soirée, sinon... déjà, je le regrettais d'arriver autant en retard, maudite pomme, je vous le jure, parce que autrement, je pense que je serais arrivée plus tôt. Crowd, tu me diras, t'aurais pu rester plus tard aussi, parce que ça durait jusqu'à 2h du matin. Effectivement, mais je suis dépendante des transports en commun de Montréal, fait que ça limite aussi mes critiques de crowd dans... dans cet angle-là. Alors, ce sera tout pour cette critique... du Red Bull Music Academy. J'ai un joli concours pour toi, cher auditeur. Si tu veux aller demain à ce spécial Western de Retour vers le futur, bien écoute, je te donne des billets. C'est le fun de même. Tu pourras appeler au 514-343-2476. Boum! Je t'en donne. C'est le fun de même. Sinon, ben on va finir aussi en musique avec Fuck the Fax. J'aurais bien voulu vous passer le projet que j'ai pu entendre de vendredi dernier, mais j'ai pas pu en trouver sur Internet. Hélas, c'est à suivre. Alors, on va écouter leur projet Fuck the Fax avec La Mort qui se retrouve sur leur plus récent album Zero Will Rot. Et je m'appelle Jolaine Ruet, c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge et je vous dis à la semaine prochaine et je vous rappelle le numéro de téléphone pour le concours 514-343-2476. Bye bye! Sportifs. L'Abreuvoir est fier de vous présenter tous les matchs des Canadiens avec nos soirées de hockey, les soirées lancées Kunta, avec en plus un tout nouveau menu pour les fins palais, le retour de nos fameuses ailes de poulet, 10 ailes pour 5$, des pichets de bière à 12,75$, des entractes animés par nul autre que moi-même, Michel Kunta, prix à gagner, shooters gratuits, bière gratuite. Écoutez, que la saison aille bien ou qu'elle aille mal, ne vous inquiétez pas, parce que L'Abreuvoir et moi, on sera toujours là avec nos soirées de hockey. C'est un rendez-vous! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Pour oublier le passé et le futur, allonge-toi dans la fourrure. Écoute Dextro, Propogi, Finsmack, le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20 % de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Au programme, on aimerait bien recevoir Benoît dans 1080 Snowboarding, John Cena, Bernard Drainville, Julie Mathieu, une boîte de triscuits, au moins 12 000 piastres, l'inventeur du poivre ou de la violence, Rémi Gérard, Bad Burn, un béret, Jeanne Mance. Le programme, toutes des invités qu'on aimerait recevoir, les vendredis 19 à 20h, sur les ondes de CISM, La Marge. Oh, puis écoutez, on est stéréotypes à la place. Bye! Bon, OK, je vais taper 2 laines bleues et 3 laines rouges. Ça me permet donc de sortir l'Auditum Golem qui me coûte 4 colorless, évidemment. Puis aussi de caster Lightning Bolt pour un rouge. Patlao, 3 points de moins, ça t'amène à 17 de vie. Pour mieux comprendre la culture geek, écoute Les Geeks ont raison les mercredis à 10h30 à CISM. Découvrez la nouvelle salle André Mathieu lors du concert de réouverture mettant en vedette Louis-Jean Cormier, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur en formule acoustique. Ouvrez sa fenêtre, on avale. Un spectacle exclusif à voir. Assistez à cette soirée de festivités avec Karim Ouellet en DJ set. Oh, oh, oh, bye, yeah.